Que suis-je allé sur ma mobilette faire un petit tour en ville. J'avais mis ma grosse casquette car j'ai les oreilles fragiles. On m'appelle Lou Parano, c'est un surnom qui me va bien. Sur ma bécane, il y a plein de micros, on dirait un bidule martien. Quand je suis arrivé à la ville, tout le monde s'est sauvé. Les gens sont vraiment débiles, ils ont peur de mon gros nez. Moi qui voulais acheter des nouilles, j'en ai pas trouvé une seule. Tout ça parce qu'ils ont la trouille, il paraît que j'ai une sale gueule. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, il paraît que j'ai une sale gueule. C'est moi. Là, j'arrive, c'est moi. Alors je retourne à la ferme, parce qu'il faut que je bricole. Une petite idée qui germe dans mon cerveau agricole. Un jour je serai le maître du monde, alors ça rigolera plus du tout. Faudra bonne mes poules elles pondent, sans ça je leur tords le cou. Je suis allé sur ma mobilette faire un tout petit tour en ville. J'avais mis ma grosse casquette car j'ai les oreilles fragiles. On m'appelle Joe Parano, c'est un surnom qui me va bien. Sur ma bécane, y'a plein de micros, on dirait un bidule martien. Quand je suis arrivé à la ville, tout le monde s'est sauvé. C'est moi que la reste pas là. J'arrive, c'est moi.